Vous, c'est vous qui le dites, à votre disposition. Voilà pour nos deux heures de dialogue. À demain. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Et on s'informe avec Simon Bourgeois. Bonjour Simon. Bonjour. Le choc chez ING, la banque supprime 3150 emplois. Décision annoncée tôt ce matin et les réactions tombent. Les syndicats demandent au personnel de rentrer chez lui aujourd'hui. Un arrêt de travail émotionnel. Il devrait donc y avoir pas mal de perturbations dans les agences. Une grève est annoncée pour vendredi toute la journée. Les syndicats trouvent ces suppressions d'emplois scandaleuses sur le fond et sur la forme. Ils parlent de cynisme de la part de la direction. Côté politique aussi, ça s'active en coulisses. Le ministre de l'Emploi, Chris Peeters, a rencontré le directeur général d'ING ce matin. Ils ont discuté à chaud des pistes à suivre pour accompagner ces licenciements. Aucun commentaire à la sortie. Le Premier ministre Charles Michel, lui, rencontre les syndicats cet après-midi. Réunion prévue à 16h. La suppression de ces plus de 3000 emplois est prévue dans les 5 prochaines années en Belgique. La moitié des agences ING et Recordbank devraient fermer. D'un drame social, on passe à un autre. Un mois après la fermeture de Caterpillar à Gosselies, le gouvernement wallon a rencontré ce matin la commissaire européenne à l'emploi, la Belge Marianne Thyssen. C'était leur première rencontre pour parler Caterpillar. Au menu de leur discussion, la reconversion du personnel et des sous-traitants. Comment leur retrouver un nouveau travail? Est-ce que l'usine peut être reprise, au moins en partie, par une autre entreprise? Ils doivent trouver des réponses à ces questions. Assez vite après l'annonce de la fermeture de Caterpillar, l'Europe avait proposé son aide. C'est donc aujourd'hui le début formel de ce processus. Fausse alerte à la bombe à la gare du Nord à Bruxelles. Les alentours ont été bouclés, plusieurs lignes de bus et de tram coupées. Pas mal d'embarras dans le quartier toute la matinée. Le périmètre vient d'être levé. La police annonce que tout est en train de rentrer dans l'ordre. Attention, si vous êtes au volant, grosse opération de contrôle de vitesse depuis tôt ce matin et jusque demain. Un marathon de 24 heures sur les autoroutes, les routes régionales et même les plus petites routes locales. C'est la 6e opération du genre chez nous. En tout, 109 zones de police y participent. Et puis un mot de sport, retour aux affaires des Diables Rouges aujourd'hui. Ils reprennent l'entraînement cet après-midi, préparation pour leur match contre la Bosnie et Gibraltar, vendredi et lundi prochain, tous les deux pour les qualifications à la Coupe du Monde 2018. Aujourd'hui, c'est un entraînement public, on attend plus de 2000 spectateurs à Tubize. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À 11h02, un petit point météo, ça va se réchauffer un tout petit peu cet après-midi. Les températures remontent autour de 15 degrés, un temps plutôt sec, mais quelques averses restent possible localement. On file sur les routes. Jean-Marc Strel, un accident sur la E19. Oui, Bruxelles-Mons, hauteur d'Avray, on vous en parle depuis un bon petit moment. Les choses s'améliorent petit à petit, mais toujours des files depuis l'Heureux sur 3 km en direction de Mons. Encore un peu de patience. Accident sur le 40 Gand Bruxelles-Aternate, passage difficile dans la bretelle d'accès qui vous mène à Bruxelles. Le 411 venant de Namur est toujours un peu chargé entre Overijse et Leonard pour rejoindre la capitale. La circulation ring extérieure entre Groenendael et Terveren vers Zaventem, ça coince. Entre Strombeek-Bever et Jette vers Grand Bégard également, et pour le ring intérieur entre Grand Bégard et Jette en direction de Zaventem. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On continue sur Vivacité avec vous, Sébastien Olevon, on n'est pas les pigeons. Merci Simon, retour de l'info à midi. Qui livre vos vins préférés partout en Belgique? CoraWine.be. Oui. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons. Sébastien Olevaux. Bonjour les amis. Bonjour. Comment ça va? Bien. Bien, bien, bien. Ah, il fait froid. Hein. Oh oui. Ah ouais, alors là, je voudrais pas commencer en parlant de la météo, mais il fait froid. On a entendu Simon, hein, il va faire un peu plus chaud déjà cet après-midi. On dit tant mieux. En attendant, on va se réchauffer ensemble sur Vivacité en parlant notamment à Jean-Pierre qui voulait des vitamines et des oméga 3. Il pensait que c'était gratuit. Mais Annie nous dira que tout ce qui est gratuit, faut se méfier de tout ce qui est gratuit. C'est pas parce que tu cliques sur un truc que c'est gratuit. Que c'est gratuit. T'as compris le principe? Oui. Aurore, dans le journal de la conso, on parle des aliments qui ne sont jamais périmés. Ben oui, il y a des choses comme ça où il y a une date de péremption, mais on peut quand même les consommer après, comme le sel, le miel, les épices. Il y a toute une liste. Une date de péremption pour le sel maintenant. Oui, mais ils sont obligés, c'est une obligation, mais bon. Après, voilà, ça reste bon. Hubert, tiens, puisque vous parlez, on va évoquer le cas de la patate avec vous. Vous adorez les patates. Mais oui, pour les binches pour les frites, il n'y a rien de meilleur. Hein. Ouais, ouais. Les Nicolas aussi, je me rappelle, mon grand-père. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme variété? On va faire un petit test, on va poser la question tout à l'heure. Et pourquoi on parle de patates? Parce que vous aimez ça déjà, tout simplement. Mais non, parce qu'il y a des problèmes à la récolte pour le moment. Voilà. Mais il n'y a pas de quoi s'affoler quand même. C'est déjà ça. On va faire le plein de la voiture aussi, mais on va y mettre une nouvelle essence, Isabelle. Oui, elle n'apparaîtra qu'en janvier 2017. Mmh. Oui, voilà, dans quelques mois. Mais comme il y a déjà une campagne, eh bien on va s'y intéresser parce que les gens se posent beaucoup de questions sur cette nouvelle essence. Bah justement, des questions. Si vous en avez, il y a Facebook pour ça. Oui, notre page Facebook, on n'est pas des pigeons, où on vous demande justement de réagir par rapport aux pommes de terre. Il y a beaucoup de variétés différentes. Laquelle préférez-vous? Comment faites-vous pour les choisir? Et surtout, quels sont vos trucs et astuces pour les conserver? Donc, dites-nous tout ça sur la page Facebook. Vous pouvez aussi envoyer un mail. L'adresse, c'est pigeon@rtbf.be. Et notre répondeur est là aussi, 070 222 660. Et puis le SMS 3063. Ça coûte 50 centimes. Musique italienne au programme. Cette musique, elle sera signée Zucchero. Et puis, côté nouveauté, côté belge, côté bruxellois, il y aura alors Lara Crow. Voilà grosso modo le programme de Vivacité dans les prochaines minutes. On est ensemble jusqu'à 13h. Bienvenue tout le monde. Sur les bords du lac, Julien Doré sur Vivacité avec le lac. Votre courrier est arrivé. Oh, toujours le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Vous avez réagi ce week-end sur la page Facebook, notamment aux factures papier. Peut-on facilement revenir à la facture papier quand les grandes entreprises nous poussent à la facture électronique ? Vous avez parlé de ça et d'autres, mais il y a pas mal de réponses là-dessus. Oui, notamment Jean-Pierre hein, qui nous écrit que pour lui, c'est facture papier, sauf si le fournisseur lui fait une ristourne équivalent à son gain, c'est-à-dire papier, enveloppe, timbre. Mais je dois dire que peu le font. Et dans ce cas, malgré leur demande, je reste sur ma position facture papier. Et Catherine nous dit justement, mon fournisseur d'électricité pratique un abattement sur ma facture car j'ai opté pour la version électronique. Je la reçois par mail et la paie par domiciliation. Comme ça, pas de problème. Marie-Louise, elle reste fidèle à la facture papier. Je ne suis pas certaine qu'en cas de litige plusieurs années après, il soit facile de retrouver des traces en informatique. Enfin, Amine nous dit « Moi, je suis pour la facture papier. On paie quand on veut ou presque. Avec la facture électronique, ils prennent sur le compte et s'il n'y a pas d'argent, ils comptent 10 euros en plus. À la fin, ça fait une grosse somme pour rien. Mon salaire vient toujours tard, le 10 du mois. » Vendredi, on vous parlait aussi de la mystérieuse deuxième chaussette qui disparaît toujours au lavage. Et on vous donnait une explication. Là aussi, ça vous a interpellé. Oui, et c'est peu de le dire. Gaëtan nous écrit par exemple « Jusqu'à ce jour, je n'ai eu aucun incident de ce genre avec un lave-linge. J'utilise une 1000 Novotronic spéciale achetée en 94. » Spéciale chaussette qui ne s'égare pas. Sans doute. Deux lessives ont encore été effectuées ce jour. Aucun incident majeur. Mais s'il n'a pas mis de chaussette, c'est logique. Bah si, je pense qu'il en a mis. Ne chipotez pas sur les mots, Sébastien. Oulala. Daniel nous explique qu'on lui a démonté sa machine précédente quand elle est tombée définitivement en panne. Et non, pas la moindre chaussette. Par contre, Sylvana nous confirme qu'il y a des disparitions. J'ai un sac plein de chaussettes orphelines. Ce n'est pas possible que mon lave-linge ait avalé tout ça. Et puis, il y a ceux qui apportent des solutions. Comme Myriam, qui propose d'utiliser un filet à linge pour mettre dans la machine. Il suffit de mettre sous-vêtements, chaussettes et mouchoirs dedans et plus rien ne disparaît. C'est ce qu'on a proposé aussi. Hein, voilà, exactement. Marie-Christine propose à ses enfants 10 centimes par chaussette retrouvée. Ils en ont ramené 36 jusque maintenant. Viviane se dit aussi que les chaussettes disparaissent plutôt sous le lit des ados, entre deux livres par exemple, ou au fond d'une garde-robe, toujours chez les ados. L'ado dont je parle est devenu adulte et incroyable. Les chaussettes de toute sa famille sont orphelines, mais à présent j'en ris, vu que ce n'est plus moi qui les cherche. On comprend donc que c'est la maman. Hein. Et enfin, la citation trouvée sur le net par Anja. Attention aux oreilles. Ces salopes de deuxième chaussette ont pris des couvercles de Tupperware en partant. Parce que là aussi, les couvercles de Tupperware, ils disparaissent. Ah ouais, c'est vrai. Mais pas dans la machine, ceux-là. Non, mais c'est alors, aussi un casse-tête. On répond à Daniel qui dit la machine est tombée en panne, ils l'ont démontée, pas la moindre chaussette. On a expliqué dans le sujet qu'effectivement, la chaussette part dans le tambour. Et comme l'extérieur du tambour est une vraie râpe, la chaussette se désagrège. Et donc, c'est logique que tu ne trouveras jamais de chaussette. Maintenant, tu prends le filtre en dessous, tu le nettoies et tu verras des fibres de coton dedans. Et là, tu te dis... Ah, il y a une chaussette un Il y a jour. Des trucs qui sont passés par là. Voilà, continuez à réagir sur la page Facebook. Mais vous pouvez rentrer en contact, évidemment, avec la rédaction de bien d'autres manières, Aurore. Oui, par mail, par exemple. Hein. L'adresse, c'est pigeon@rtbf.be. Le répondeur, 070 222 660. Le SMS, 3063. Ça coûte 50 centimes. Un peu de soleil dans la radio, le soleil d'Italie. Il sera signé Zucchero. C'est juste après ça. Et pour toi, qui a le meilleur prix ? Le meilleur prix ? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Biome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Pas pour les canapés. À Biome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. En ce moment, conditions automne à moins 30%. À Biome, fenêtres, portes, vérandas. À biome.be.

Jean-Pierre, vous avez reçu deux appels de la société Pharmax qui vous proposait des vitamines et des oméga 3. C'était gratuit. Et donc, vous avez dit oui. Ben, j'ai dit oui, effectivement. Oui. Parce que c'était bon, des vitamines. Et on vous entend très mal, Jean-Pierre. Si vous pouvez parler autrement que dans une casserole, mais à votre téléphone, ça vous aiderait. Jean-Pierre, donc les colis sont arrivés et depuis, on vous embête encore par téléphone. Mais voilà, j'ai pourtant écrit par mail parce que j'avais des adresses mail sur... c'est tout ce que j'avais d'ailleurs au départ. Les mails me revenaient avec la fameuse mention là, que c'était des adresses inexistantes. Et puis par la suite, j'ai quand même eu des réponses en disant que voilà, en acceptant le premier colis, ben, j'étais sous abonnement, tout simplement. Ah oui, sans autre explication. Voilà, alors j'ai renvoyé le colis. Et puis j'ai commencé à avoir des rappels et des histoires comme ça, donc je le réécris parce qu'ils m'ont répondu à un moment donné, en disant donc cette histoire d'abonnement. Donc je leur ai dit, ben voilà, je vais vous payer, bien que j'ai renvoyé le colis, mais je ne veux plus avoir affaire à vous, parce qu'ils me parlaient aussi d'un délai de 14 jours, etc. Mais récemment, je viens de recevoir de nouveau, la semaine passée, un nouveau colis, quoi. D'accord. Et il y avait quoi dans ce colis, en fait? On peut savoir ce qu'il y avait dans le colis? Trois paquets de vitamines, trois paquets d'oméga 3, mais ça coûte chaque fois 50 euros. Ah oui, quand même. Et ça devient qu'est-ce qu'on peut dire que c'est du harcèlement, ça, Annie, d'une société qui revient comme ça tout le temps à la charge, alors qu'on n'a rien demandé? Exactement. En fait, ici, on vous a proposé des échantillons par téléphone, c'était gratuit, ça on a bien compris. Et donc après, ben voilà, vous avez reçu, Jean-Pierre, ces fameux échantillons. Je crois que vous avez d'ailleurs goûté les oméga 3 et les vitamines. Mais puis après, en fait, sans s'en rendre compte, quand on accepte le premier colis, quelque part, on s'engage dans un abonnement. Ce n'est pas annoncé au départ. Est-ce qu'on peut appeler une pratique commerciale un peu agressive, voire quand même assez musclée? Alors, la société Pharmax, bon, vous avez déjà peut-être entendu cette société. Cette société se trouve à Essen. En fait, c'est une boîte postale qui se trouve à Essen, donc on est près d'Anvers. Elle propose des compléments alimentaires. Les courriers que vous avez reçus, Jean-Pierre, au début, vous les avez transférés, donc c'est tous en néerlandais. Vous en avez reçu quelques-uns en français, avec des fautes d'orthographe assez sérieuses. Alors, c'est une société qui est bien connue, et de Testachat, et du Centre européen des consommateurs. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, elle a eu son siège aux Pays-Bas. Donc, ça veut dire que le Centre européen des consommateurs était compétent pour soi. Alors, pour le moment, vous, les mails que vous recevez, ben voilà, ça vient de Belgique. Et à un moment donné, dans les mails que vous m'avez envoyés, vous avez reçu un mail en vous demandant d'appeler le service clientèle au 070. Voilà. Vous l'avez fait ? Je l'ai fait, oui. Et on vous a dit quoi ? On m'a dit que j'étais sous abonnement, point barre. Je n'avais pas à discuter et qu'eux étaient droits dans leur botte. OK. Voilà. Alors moi, je vous propose quand même qu'on passe un petit coup de fil au 070. Mettons-nous dans la peau d'un consommateur francophone qui appelle une société néerlandophone. Allons-y, c'est parti. Direction Pharmax. Ah ben tiens, ça commence très mal. Pâte, comme on dit. Bon, vous savez ce qu'on fait ? On met la pub et on recommence après, on réessaye. Ne laissez pas la crispation s'installer dans votre salle de bain. Salut, moi c'est la crispation. Alors cette porte de douche qui coince, moi ça me crispe. Sans parler du robinet qui... Ah, c'est brûlant ! Avec Induscabel, la crispation n'a plus sa place dans votre salle de bain. Ah bon ? Et pourquoi ? Parce qu'Induscabel vous offre jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Alors, dites adieu à la crispation. Vous me crispez là. Induscabel, avec vous de A à Z. Du 1er au 8 octobre, dans nos 5 showrooms, jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Plus d'infos sur induscabel.be. L'univers du sommeil vous présente ses méga deals. 50% de réduction en octobre pour votre partenaire sur un lit double chez Hopping, Latoflex ou Wetsleep. Univers du sommeil, votre conseiller du sommeil à Bruxelles, Linkebeek et Ternat. Conditions sur universdusommeil.be. Psst, l'univers du sommeil vous offre également la TVA sur la plupart de ses produits. Tu sais, chez Abiome... Oui, je sais, dommage qu'Abiome ne fasse que des châssis. Oui, mais en ce moment, ils font des conditions à moins 30%. Abiome. Fenêtres, portes, véranda. Abiome.be. Chérie, combien de temps avant 22h ? 6 secondes. Concentration maximale. Hein. Pas trop tôt, pas trop tôt. 4, 3, allez Patrick, 2, à fond, hein. 1 et go ! Wouh ! N'oublie pas de passer en dessous du canapé, hein. Même pas. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be, notre énergie, une source de plaisir. Nous sommes occupés avec Jean-Pierre. Jean-Pierre qui a répondu à une offre de Pharmax, une société qui voulait lui donner... Ah oui, c'était ça, hein, un échantillon gratuit de vitamines. Ce sont des compléments alimentaires. Voilà. Et depuis, il reçoit des paquets et il doit payer, et il reçoit des paquets et il doit payer. Et il reçoit des rappels. Et c'est pas normal tout ça. Ce n'est pas normal parce qu'on fait miroiter quelque chose de gratuit et puis finalement, sans vous en rendre compte, vous vous engagez dans le... Sur un appel téléphonique. Sur un appel téléphonique, voilà, c'est ça. Vous savez que quand on reçoit un appel téléphonique, pour que le contrat ait de l'effet, il ne suffit pas d'avoir enregistré l'appel. Vous devez recevoir un écrit qui vous confirme effectivement que vous vous êtes engagé. Alors ici, on reçoit un colis et si vous ne renvoyez pas le colis en un certain délai, Jean-Pierre nous l'a rappelé, il fallait envoyer ça dans les délais de 14 jours, eh bien, tant pis pour vous, c'est parti. Et on a beau après dire mais non, je ne veux plus rien, c'est trop tard. Avant la pub, c'était occupé chez Pharmax. On réessaye maintenant. On demande à Zoé au standard de reformer le numéro de téléphone et on va voir si on a quelqu'un. Eh bien, on n'a pas de chance. Annie, que peut faire Jean-Pierre dans ce cas précis finalement ? Dans ce cas précis, vous avez déjà fait pas mal de choses parce qu'il y a pas mal de mails qui sont partis à SN, donc à la société. Alors moi, je vous suggère de déposer plainte au SPF Économie parce qu'eux peuvent ouvrir un dossier et prendre les contacts utiles. Et puis simplement, ça permettra d'alerter sur les pratiques assez particulières, pour dire illégales, de cette société. Alors, la pratique, elle est trompeuse. Pourquoi ? Parce qu'on vous fait miroiter quelque chose de gratuit et puis finalement, vous vous engagez quelque part dans un abonnement et vous n'avez rien demandé. Alors, on rappelle la règle sacro-sainte de quelque chose qu'on n'a pas commandé et qu'on a reçu. On n'est pas obligé de le retourner et forcément, on n'est pas obligé de le payer. Tout est bon à savoir, donc il faut bien retenir ça. Pas commandé égale pas dû, donc on renvoie pas et on ne paye pas. Et le cas échéant, si vous répondez à une offre alléchante gratuite par téléphone, Annie vous l'a dit, ça doit s'accompagner d'un écrit pour bien comprendre que vous avez signé un contrat. Exactement, une lettre de confirmation qui vous dit, voilà, vous avez reçu un appel téléphonique, vous vous êtes engagé, pour que vous puissiez, vous consommateurs, savoir à quoi vous vous êtes vraiment engagé. Et si jamais vous êtes, faites partie de ceux et de celles qui reçoivent des colis que vous n'avez pas commandé parce que c'est gratuit, regardez quand même les petits caractères, parce qu'on vous dit toujours et souvent, renvoyez le colis si ça ne vous convient pas dans un délai de autant de jours. Ici, je crois que Jean-Pierre, vous l'avez renvoyé après ce délai, et donc forcément, c'est la porte ouverte. Ouais. Voilà. Et donc, c'est hospitalisé quand je l'ai reçu. Ouais, voilà. Ben Jean-Pierre, vous avez compris, hein, une petite plainte auprès du ministère de l'économie. Je rappelle le site, hein, www.economie.fgov.be et un 0800 120 33. Voilà ce qu'il vous reste à faire, vous nous tenez au courant, bien sûr, Jean-Pierre, on est d'accord. Et tous les autres qui ont écouté cette mésaventure, ben, si c'est gratuit, répondez pas. Il faut se méfier, de toute façon. Surtout si ça vient de chez Pharmax, on a compris que exactement. Là, il y a vraiment un souci là derrière. Mais je file en régie pour réessayer une nouvelle fois le 070. Évidemment, on vous tient au courant. This morning got your flowers. I said I'd call you to see you again. And I want you to stay by my side. Whether it shines or rains, I'm counting the days, the hours, until we meet again. This time I'll try to make it right. Getting rid of all the shame. Show me who I've got nothing to lose. But please don't forget my name. You touch my hand, I feel confused. I wonder if you feel the same. I believed your words to be true. I wish I au nouvel artiste bruxellois sur Vivacité avec le titre Ecstasy. On part sur les routes, Jean-Marc Strel, comment ça se passe ? Nous avons un objet encombrant, comme souvent, à cette heure-ci, c'est un landau. Il est sur le ring de Bruxelles, à l'intérieur, aux environs de Grimbergen. J'espère qu'il n'y a plus personne dedans. J'étais sûr que vous alliez dire ça, mais non. Ça va. La bande de droite est encombrée, et avec quelques ralentissements aussi entre Grand-Bégard et Jette en direction de Zaventem. Accident sur le 19, Bruxelles-Mons, il nous occupe depuis un long moment. C'est à hauteur d'Avray, où le passage s'effectue uniquement via la bande de gauche, des files depuis Ville-sur-Aisne en direction de Mons. Accident sur le 40, Grand Bruxelles-Aternat, c'est la bretelle d'accès qui est fermée. Mais si vous allez en direction de Bruxelles, et dans Bruxelles, tiens justement, quelques ralentissements timides dans le tunnel Léopold II vers le midi. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Il est 11h32, pile poil, place au journal de la conso dans la DH aujourd'hui. On a la liste des 10 aliments qui ne sont jamais périmés, Aurore. Oui, c'est l'info du jour qui permet de ne pas gaspiller. Même si la date de péremption est dépassée, vous pouvez consommer sans crainte les produits suivants. Alors, le miel, vous allez me dire, oui, mais il cristallise. Bah, pas de souci, vous le passez au bain-marie. Ok. Tout doucement, et vous allez voir, il va revenir tout à fait normal. Le sel, l'extrait de vanille, le riz, et peu importe sa variété, donc basmati, etc. aussi. Les épices, là, au pire, elles perdent un petit peu de leur saveur, mais elles sont toujours bonnes à consommer. Qu'est-ce que je ne vous ai pas encore dit ? Le sucre, le vinaigre, les spiritueux, le café soluble, avec la petite particularité qu'il vaut quand même mieux le mettre au congélateur pour le conserver des mois. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Fécule de maïs et maïzena. D'accord. Et toujours bon à rappeler quand on sait qu'en Belgique, on jette 180 kilos de nourriture par an, ce qui représente à peu près 174 euros. C'est pas mal. C'est... Donc l'ADH qui donne aussi quelques aliments. Je l'entends bien, hein, c'est pour ça que je me permets de continuer. Hein. L'ADH qui donne aussi quelques aliments que l'on peut carrément consommer pourris. Donc là, c'était les dates de péremption, mais il n'y a pas de souci. Mais là, c'est vraiment du pourri. Donc le fromage... S'il est pourri, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est déjà de la... Ouais, bah justement, comme c'est déjà du pourri à la base, enfin de la moisissure, ouais. On les retire. Il suffit, tout à fait Annie, il suffit de gratter un petit peu ce qui est vert ou blanc, ouais. Et puis vous mangez sans problème. D'accord. Yaourt. Non. Alors là, n'attendez quand même pas qu'il soit pourri, mais vous pouvez dépasser jusqu'à 3 mois la date de péremption. Dans il suffit juste rêves. De voir... Il suffit de goûter pour voir s'ils sont bons. D'accord. Et si le goût ne change pas, vous pouvez franchement. Mais Sébastien, lui, le jour même, si c'est périmé aujourd'hui, il ne prendra même pas aujourd'hui. Si, parce que je suis certain qu'il se passe un truc la nuit, au moment de la date. Il y a un truc qui se passe. On ne le dit pas, mais il y a un truc qui se passe. Alors, pareil pour les boîtes de conserve, qui sont aussi bonnes très longtemps après la date de péremption, même des années après. Le chocolat aussi. Le tout, c'est qu'elles ne soient pas bombées. Exactement. Si elles ne sont pas bombées, vous pouvez franchement y aller, il n'y a pas de souci. On a d'ailleurs une dame sur notre page Facebook un jour qui nous a dit qu'elle avait consommé des escargots en conserve périmés depuis 8 ans. Donc voilà. Les boîtes, aussi tout ce qui est congelé, il n'y a pas de souci, vous pouvez laisser au congélateur même après la date de péremption. Ça peut même aller jusque plusieurs années après. Sauf le poisson et la viande. D'accord. Là, vous faites attention quand même. Bref, dans la presse du jour, on apprend aussi que les adeptes du chicon pleine terre pourront enfin en consommer. Mais oui, contrairement au chicon produit en hydroculture, que l'on consomme toute l'année, le chicon pleine terre se consomme normalement entre septembre et mai. Je dis bien normalement parce que justement, cette année-ci, c'est plus tard, c'est à partir d'octobre, puisqu'ils viennent seulement de lancer officiellement la saison du chicon pleine terre. En cause, la météo, ma bonne dame. Ah bah évidemment. Un printemps trop humide et des périodes de sécheresse par la suite. Eh bien, je reparlerai de cette météo, justement. Et des chicons. Les patates. Ah bah oui, justement, mais même évidemment. Combat, ça a affecté un peu tout ça, la météo. On poursuit avec une bonne nouvelle à lire dans la Libre aujourd'hui pour les détenteurs de panneaux photovoltaïques. Oui, la COAP, le régulateur wallon de l'énergie, voulait imposer à ses propriétaires des frais d'utilisation du réseau d'électricité dès le 1er janvier 2018. Eh bien maintenant, ce ne sera pas avant janvier 2019. D'ici là, l'eau risque encore de couler sous les ponts, donc on ne panique pas. La mesure est repoussée dans l'attente de l'adoption par le Parlement wallon d'un décret qui réglera la méthodologie tarifaire en la matière. Eh bien, alors, on a encore le temps. Et puis, il y a des élections qui se profilent quand même en 2019. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de temps. Bon, allez, on termine avec une nouvelle discipline sportive qui est mise en avant dans les journaux du groupe Sud Presse. Oui, c'est l'aquapole. Pole comme dans pole dance, puisque c'est donc de la pole dance autour d'une barre, hein, mais dans l'eau. Tu danses autour d'une barre dans ta baignoire. Alors, pas dans la baignoire. Dans la baignoire, hein, ça se fait dans les piscines. Alors, la discipline vient d'être présentée en avant-première nationale dans un club très très chic de Bruxelles. Le principe est donc de faire des figures autour d'une barre dans l'eau sur des musiques qui pulsent. Ça allie les exercices toniques et de cardio. Il paraît qu'on se muscle très très vite sans trop d'efforts. Bien sûr. Et en plus, vous avez droit à une sorte de massage lymphatique exercé par l'eau. Donc c'est que du bon, nous dit-il. Et quand vous êtes prête, vous sortez la barre de l'eau, vous la mettez dans le salon. Et vous invitez des potes. Mais pourquoi pas, pourquoi pas, voilà. Annie, vous êtes prête à tenter cette nouvelle expérience? Je suis prête à essayer. Isabelle aussi? Oui, moi Hubert, j'ai déjà aussi fait de l'aquabike, c'est un petit peu la même chose. Allez, hein, on est tous partis pour l'aquapole dance machin. Ouais. On testera ça, on vous mettra les photos ou pas sur la page Facebook. Il y a France Gall qui arrive et puis Isabelle, on parle d'un nouveau carburant, c'est dans 5 minutes. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Et pour toi, qui a le meilleur prix? Le meilleur prix? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Tu sais, chez Krefel, ils vérifient tous les prix, tous les jours, et les adaptent si nécessaire. N'essaie pas de trouver moins cher, y a pas. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Vivacité présente. Pour prendre leur place dans la société, les poulets rôtis font du skateboard sur la banquise. T'en as déjà vu faire ? Pour les aider à se faire une idée sur la citoyenneté. Place aux enfants. Samedi 15 octobre, en Wallonie et à Bruxelles. Info, placeauxenfants.be. Une organisation des provinces wallonnes et de la Commission communautaire française. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vivacité présente le week-end Maison et Architecte, un événement d'une brique dans le ventre. Besoin d'inspiration pour construire ou rénover? Visitez gratuitement des maisons conçues par des architectes wallons et bruxellois et découvrez leurs talents ces 8 et 9 octobre. Préparez vos visites sur le site maisonetarchitecte.be. Avec le soutien des vitrages Thermobel. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Pas chez Peugeot Uccle et Peugeot Mésaire. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Peugeot. Pour vos pneus et kits hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir conditions en magasin. Les DS Brussels Fashion Days, le rendez-vous mode de l'année. Du 14 au 16 octobre, la mode belge vous invite au Square Brussels Meeting Centre pour 4 grands défilés, un pop-up de 30 créateurs, la présence des 10 écoles belges, des beauty bars et une after party par les soirées Love. Prévente ticketmaster.be. Avec DS Automobile, la Loterie Nationale et Viva Bruxelles. Faisons taire les mélancoliques avec notre propre rire. this music. Souvenir de 1977 avec France Gall et le titre Musique. On n'est pas des pigeons. Isabelle, vous prenez un petit peu d'avance et vous venez déjà nous parler d'une nouveauté qui entrera en vigueur le 1er janvier de l'année prochaine. Et oui, cette nouveauté, c'est la fameuse essence 95E10 et donc elle va remplacer notre essence 95. Cette nouvelle essence, on nous dit que c'est un carburant plus respectueux de l'environnement puisqu'il permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi on trouve la lettre E et le chiffre 10 dans le nom de cette essence ? Alors E, c'est E pour éthanol et 10, c'est pour 10%. Et donc ça veut dire, si on est logique, que cette essence pourra contenir jusqu'à 10% de bioéthanol, alors qu'en fait il faut savoir que pour le moment, notre essence n'en contient environ que 5%. D'accord. Mais c'est pas la première fois qu'on va vivre un petit changement en faisant le plein. Allez, pour ceux qui s'en souviennent encore, le dernier gros changement en date, en fait, c'était en 2000. Cette année-là, on a décidé de supprimer le plomb dans l'essence. Dans tous les pays européens, il fut un temps, on avait le choix. Et nos poumons disent merci quand même pour cette mesure-là. Maintenant, je m'intéresse à ceux qui ont une voiture qui roule à l'essence 95. Comment être sûr que notre bagnole va supporter la 95E10? Voilà, c'est toute la question, parce qu'on nous dit, écoutez, ne vous en faites pas, 9 véhicules sur 10 sont compatibles avec ce nouveau carburant. Mais voilà, je suis peut-être la 10e voiture. Qu'est-ce qu'on fait de cette 10e voiture? Voilà, on ne le sait pas. Et c'est pour répondre, entre autres, à cette question que le SPF Économie lance aujourd'hui une campagne d'information. Ça tombe bien, on a Étienne Mignolet en ligne, vous êtes le porte-parole du SPF Économie. Bonjour Étienne Mignolet. Bonjour. Tout d'abord, question, pourquoi on introduit cette nouvelle essence? Ah ben donc, comme ça a déjà été dit, la Belgique, elle a des objectifs donc en termes d'environnement qui sont d'avoir 10% d'énergie renouvelable dans les transports à l'horizon 2020. Donc ça, c'est une obligation européenne et donc c'est une des mesures qui devrait permettre d'atteindre cet objectif-là, donc en réduisant les gaz à effet de serre produits par les voitures, les motos et tout le secteur du transport. Alors justement, donc on l'a dit, comment savoir si notre voiture est compatible si je ne suis pas la fameuse 10e voiture qui ne le sera pas? Comment je peux le savoir? Alors donc effectivement, 9 véhicules sur 10 aujourd'hui sont compatibles. Tous les véhicules qui ont été produits après le 1er janvier 2000 sont compatibles aussi. Donc ce sont surtout les anciens véhicules. Et pour savoir si votre véhicule est compatible, il y a une application qui a été développée par la FEBIAC. Et donc, par Internet, très simplement, en introduisant le modèle de votre véhicule, vous pouvez voir tout de suite s'il est compatible ou pas. Oui, moi j'ai déjà essayé ce matin et on mettra peut-être sur notre page Facebook l'adresse Internet. Je suis rassurée, je ne suis pas la 10e voiture. Hein, ça va, mais ma voiture, elle entre dedans. Mais alors, par exemple, si je suis la 10e voiture, si elle n'est pas compatible, je fais quoi alors? Je ne peux plus rouler? Alors, les véhicules non compatibles, ils devront être approvisionnés en fait avec de l'essence 98. Qui restera sur le marché. Mais qui est plus cher, elle. Qui est un petit peu plus cher, effectivement. Et justement, c'est quand même peu de véhicules, sont surtout des old-timers ou des véhicules sportifs qui peuvent avoir des performances assez élevées qui sont concernées. Mais supposons donc que je dois mettre de la 98. Zut, je suis distraite, je me trompe, j'ai quand même mis de la 95E10. Ma voiture, elle est foutue, alors? Alors, dans la majorité des cas, il n'y a aucun souci. Donc, pour les véhicules non compatibles, qui ne seraient pas des old-timers ou des véhicules sportifs, il suffit au plein suivant de remettre de la 98. Par contre, si les erreurs se répètent et que régulièrement vous l'approvisionnez en 95-10 au lieu d'en 98, là, ça peut causer effectivement des problèmes sur certaines pièces du moteur. Et donc là, il faut prendre contact le plus vite possible avec son garagiste. D'accord. Mais dans le cas d'un approvisionnement d'une seule erreur, il suffit de repasser au 98 pour les pleins suivants. Et cette fameuse essence 95-10, elle sera plus chère que la 95 actuelle ou bien non, ça ne va rien changer? Mais en fait, c'est assez difficile à dire parce que la cotation de l'éthanol et de l'essence ne sont pas liées. Donc on ne sait pas vraiment le dire encore maintenant, mais on a fait des estimations et des simulations déjà depuis 2014. Et au jour d'aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait une différence qui soit inférieure à 1 centime au litre. Donc c'est tout à fait raisonnable. Vous avez peut-être l'adresse mail de la FEBIAC pour qu'on puisse aller. C'est très simple, en 5 secondes, c'est fait sur le site. Oui, en fait, donc c'est e10.febiac.be/fr pour l'application. Et alors, il y a aussi un site internet qui est e10.belgique.be où là, il y a toute l'information sur ce changement et aussi un lien vers l'application pour vérifier si les véhicules sont compatibles ou pas. Merci Étienne Mignolet pour toutes ces précisions. On n'a plus qu'à aller faire un petit tour. Si on a un véhicule essence, que ce soit une voiture, une moto, une mobilette qui traîne dans le garage. Dans un instant après Lost Frequencies, on change de registre. Et nous nous intéressons aux patates qu'il y a dans le jardin avec Hubert. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Vivacité présente la semaine numérique. Hashtag cool, apprenez à décoder les hashtag nouvelles technologies et bien plus lors de hashtag la semaine numérique du 10 au 21 octobre. Hashtag c'est bientôt. Youpi! Participez à des centaines d'activités en Wallonie et à Bruxelles. Hashtag c'est pour tout le monde, hashtag pas que pour les geeks. Hashtag lol. Plus d'infos, lasemainenumérique.be. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise? Moi oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Bonjour, c'est Sylvie Honoré. Les 8 et 9 octobre, Vivacité participera au défi des 100 km, une marche organisée au profit de Cap 48. Nous marcherons plus précisément pour l'association Les Héliotropes pour que grâce à vos dons, elle puisse poursuivre son travail d'accompagnement tellement essentiel. On a besoin de vous. Rejoignez-nous sur agir.cap48.be pour nous parrainer ou parrainer nos mollets. Philips existe depuis 125 ans et chez Light Gallery, ça se fête. À cette occasion, Light Gallery vous offre une remise de 25% sur tous les luminaires et sur toutes les ampoules Philips. Rendez-vous dans nos magasins Zaventem et Drogen Boss ou sur lightgallery.com. Light Gallery, votre spécialiste en éclairage. I follow. Mountain high and river low, I follow. Take me to Frequencies sur Vivacité avec Beautiful Life. Tout à l'heure, souvenez-vous, si vous étiez avec nous, il y avait le cas de Jean-Pierre qui avait reçu des échantillons gratuits de vitamines de la société Pharmax après un contact téléphonique et ces échantillons étaient gratuits. Oui, mais enfin, au final, gratuit et payant quand même. Au oui, final, il a dû payer. Compris. On a eu en contact avec la société. Voilà, un mail de la société Pharmax avec deux X. D'abord, qui rappelle que c'était une offre commerciale, mais que nulle part dans la conversation par téléphone, on a annoncé que le colis était gratuit. Les frais d'envoi et d'administration étaient bien annoncés donc à Jean-Pierre. Et il avait la possibilité, toujours dit Pharmax, de contacter la société dans un délai de 21 jours pour ne pas recevoir un nouvel envoi pendant, pour 3 mois. Le problème, c'est que Jean-Pierre était à l'hôpital. Voilà, il n'a jamais reçu ça. Alors, il nous a envoyé un mail le 4 du 7 2016 pour annoncer qu'il ne souhaitait pas recevoir d'autres envois. Le problème, c'est que l'adresse, il a fait Pharmax avec un X.be, mais c'est Pharmax deux avec X. deux X, voilà. Tout ça pour dire que nous arrêtons l'abonnement de monsieur Jean-Pierre et nous créditons sa dernière facture. Affaire. Finalement, c'est la bonne nouvelle. Réglé. Voilà. Mais donc, méfiez-vous de ce qui est gratuit, ce qu'on vous annonce par téléphone, etc. On ne le vous dira jamais assez. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est faux. C'est que c'est pas vrai. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Vous allez peut-être passer à table dans l'équipe. Il y a quelqu'un qui adore la frite ou la patate, c'est Hubert. Si vous en faites chez vous, invitez-le. Il sera ravi. J'adore les patates. Oui, mais encore, vous adorez à quel point toutes les espèces de patates. Vous voulez qu'on parle patates? Ça m'intéresserait. Alors, si je vous dis Adriana, Belle de Fontenay, Pompadour, Vitelotte, qu'est-ce que c'est? Des espèces de patates. Absolument. La vitelotte, c'est laquelle? C'est les espèces de patates. Oui, c'est la bleue foncée. Et la Pompadour, c'est vraiment un produit marketing assez nouveau qui se veut de luxe et qui se vend comme des huîtres dans des petites bourriches en bois. Vous connaissez d'autres sortes de pommes de terre? Nicolas, Charlotte. Oui, Comte de Gâte, Rate, Charlotte. On estime qu'il y a plus de 2000 variétés de pommes de terre. Une plante qui est originaire du Pérou d'ailleurs. Et chez les anciens indiens Mushika, il y avait même une déesse de la pomme de terre, la déesse Axomama. Ah bah dis donc, déesse ça, c'est de la patate. Ça c'est flatteur ça. Toi tu seras la déesse de la patate. C'est devenu un légume principal ici en Europe. Ben, c'est un légume très nourrissant, extraordinaire. Hein. Beaucoup de glucides, une quantité impressionnante de vitamines, de minéraux et des tas d'autres composés bénéfiques pour la santé. Et en plus facile à cultiver. Oui, relativement, mais pas toujours, ça n'a pas toujours été le cas. Parce que la pomme de terre est sensible au mildiou, c'est une sorte de champignon, une pourriture qui détruit les cultures. Entre 1845, figurez-vous, et 1850, le mildiou a causé vraiment la destruction de plantations entières et a causé une famine en Irlande qui a provoqué la mort d'un million de personnes. On ne parle jamais des effets de cette maladie en Belgique, mais il y a eu des répercussions en Belgique, 50 000 morts en Belgique. Et tu me fous les boules, ça peut encore arriver ? Bon, non, parce que... 50 000 morts en Belgique, à cause des patates ? Oui, à l'époque... À cause de la famine. De la famine. 50 000. Mais ça peut encore arriver, rassurez-nous. Bon, écoutez, on est pour ou contre, mais maintenant, il y a quand même des produits phytosanitaires pour lutter contre le mildiou. Par contre, la pomme de terre est encore très sensible aux conditions climatiques. Et cette année... Aurore, comme les champignons, ça ne s'annonce pas bien pour la patate. Parce que la météo était mauvaise ? Oui, tout à fait. Quand on a planté au printemps, il avait beaucoup plu et la terre était lourde. L'eau a donc stagné et a entraîné de la pourriture sur certaines cultures. On a dû traiter les pommes de terre beaucoup plus que d'habitude, déjà. Mais maintenant, tout est redevenu normal. Eh bien non, manque de bol. Maintenant, la terre est trop sèche, elle est dure, car il n'a pas assez plu. Et vous le savez, dans les champs de pommes de terre, maintenant, on ne ramasse plus à la fourche, mais à la machine. Mm-hmm. Alors, c'est là qu'il y a le problème. Quand on arrache les pommes de terre, on a des grosses mottes de terre qui viennent avec la pomme de terre. Alors évidemment, la machine secoue la patate pour faire tomber le plus de terre possible. Mais comme il y en a beaucoup, vraiment, on doit secouer beaucoup plus fort que d'habitude et on abîme, on blesse la pomme de terre qui ne peut plus bien se conserver. D'ailleurs, d'ici la fin de la saison, on pressent une baisse de rendement de 20 à 25%. Et donc ça va coûter plus cher? Non, pas d'affolement quand même. Selon la FIWAP, la filière wallonne de la pomme de terre, les prix ne vont pas flamber. Si la récolte est à ce point mauvaise, on pourra acheter des patates en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, où la météo a été meilleure. Et les prix d'ailleurs sont fixés en début de saison, ils devraient rester stables. Vous nous rassurez Hubert, de toute manière on en reparle ce soir à la télé à partir de 18h30 et nous allons élire Axomama. pendant les prochaines minutes. Ce sera une d'entre vous, la déesse de la patate. Je m'y engage avec toute mon équipe. Quand je ne chante pas, je suis comme vous. Je suis comme ça, une épouse, une mère, une femme. Ça doit tout savoir faire. Quand je ne chante pas, ma vie se branche sur la terre. Même si le ciel se rit de moi, chanter, c'est tout ce que je sais faire. Je marchais dans la rue, m'installais aux terrasses, croisais des inconnus, leur faisais une place. J'écoutais leurs histoires, ils connaissaient la mienne, sur un simple regard. Nos vies sont toutes les mêmes. La sortie de l'école, nos enfants qui accourent, mais tous leurs mots s'envolent et leur rire sonne sourd. L'écho du silence est votre seul allié. C'est l'ennemi qui danse pendant que vous pleurez. Quand je ne chante pas, je suis comme vous. Je suis comme ça, une épouse, une mère, une femme. Ça doit tout savoir faire. Quand je ne chante pas, ma vie se branche sur la terre. C'est pas de chance, hein. Axo Mama, ce sera donc Lara Fabian. Oh, ah, mais si, la déesse de la patate. Quand je ne chante pas. On vous pose une question sur la page Facebook de la patate, rapidement, sur la page de la patate. Oui, sur notre page On n'est pas des pigeons, on vous demande quelle variété de pommes de terre vous choisissez, quels sont vos trucs et astuces pour les conserver, éventuellement une recette. On vous lit après les infos de midi. Vivacité présente le European Open. Le meilleur du tennis mondial, enfin en Belgique, du 15 au 23 octobre, au Lotto Arena d'Anvers. Richard Gasquet, David Ferrer et bien sûr, le Belge David Goffin. Les meilleurs joueurs seront au rendez-vous. Et vous, info et tickets sur europeanopen.be. Ce mois-ci, le magazine Gaël découvre une Nadja Labib inattendue. Derrière l'ex-envoyé spécial en Afghanistan et la présentatrice du JT de la RTBF, bouillonne une femme intuitive, ouverte, qui adore l'imprévu. Nadja est toujours où on ne l'attend pas. À découvrir ce mois-ci dans Gaël. Vous avez tout pour vous. Vous aimez les Volkswagen? Nous, chez Percy Motors, on les adore. Percy Motors, le service d'abord. À Wavre. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat dans votre pare-brise? Faites-le réparer maintenant. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne où et quand ça vous arrange. C'est super pratique et n'est possible que chez Carglass. Réservez maintenant votre rendez-vous sur carglass.be via votre PC, smartphone ou tablette. Vivacité vous invite à l'avant-première du film d'animation Cigogne et compagnie. Les cigognes ne livrent plus de bébés. Des personnages déjantés dans une aventure décoiffante. Ça c'est une caille, ça un émeu, il y a un poulet, rien de tout ça ne vole. Pour y assister, le 9 octobre à 11h à Bruxelles ou à Liège, composez le 0905 56 471 50 cents par appel. C'est moi, Hip. Je veux des petits prix. Je veux des promotions de folie. Je veux des offres de génie dans tous les rayons. Alors rendez-vous dans votre hypermarché Carrefour. En ce moment, achetez deux jeans pour seulement bam, 12 euros. On n'a jamais vu ça. Dépêchez-vous, car cette offre se termine déjà demain. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Vous écoutez Vivacité, il est midi. L'heure de s'informer avec Simon Bourgeois. Bonjour Simon. Bonjour. Après le choc ce matin chez ING, l'heure des réactions ce midi chez les employés, tristesse, colère, incompréhension. Les syndicats demandent au personnel de rentrer chez lui, un arrêt de travail émotionnel. Il devrait donc y avoir pas mal de perturbations dans les agences. Aujourd'hui, il y en a d'ailleurs depuis ce matin. Une grève aussi est annoncée pour vendredi toute la journée. Écoutez Étienne Bouquiot du 7K. On fait grève le 7, donc grève au niveau d'ING. On va informer maintenant le personnel à Marnix. On va informer le personnel ici maintenant à Cour Saint-Michel. Donc il va y avoir une mobilisation le 7. Et il est fort probable qu'on vienne bloquer Cour Saint-Michel et Marnix. Maintenant, ce qui se passe au niveau d'ING, ils avaient prévu au niveau de la direction des conseils d'entreprise toute la semaine. On demande à la direction de reporter ça la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a déjà des agences qui ont débrayé ? Oui, il y a des agences sur Bruxelles, des agences du côté de Charleroi. Et nous allons maintenant à Braine-l'Alleud et à Nivelles pour donner l'information. On va essayer de les faire débrayer. Voilà pour les syndicats. Côté politique aussi, ça s'active en coulisses. Le ministre de l'Emploi, Chris Peeters, a rencontré le directeur général d'ING ce matin. Ils ont discuté à chaud des pistes à suivre pour accompagner ces licenciements. Et à la sortie, le ministre, vous allez l'entendre, espérait encore réduire le nombre de licenciements secs. Premièrement, c'est un drame pour tous les employés, évidemment, et pour les familles. Et le CEO Rick Van den Berg m'a confirmé que nous sommes maintenant dans la première phase de la loi Renault. Ça veut dire que le syndicat, le conseil d'entreprise peut et veut et doit négocier avec la direction de ING pour trouver des solutions et j'espère pour diminuer le total de 1700 personnes qui sont licenciés secs. Pour le deuxième élément, j'ai contacté Fébelfin, c'est l'organisation pour les banques, pour demander d'organiser une solidarité et de formuler un fonds de reclassement pour aider des gens qui sont maintenant dans une situation où on va perdre le travail. Chris Peeters au micro de Pierre Magos à la sortie de sa réunion avec le directeur général d'ING ce matin. Le Premier ministre Charles Michel lui rencontre les syndicats cet après-midi, réunion prévue à 16h. On rappelle que la suppression de ces plus de 3000 emplois est prévue dans les 5 prochaines années chez nous. La moitié des agences ING et Record Bank devraient fermer. Le prix Nobel de médecine 2016 vient d'être attribué au docteur japonais, au biologiste japonais Yoshinori Ushimi pour son travail sur les mécanismes de l'autophagie, des recherches importantes pour la lutte contre le cancer. Un drame, et après le drame social d'ING dont on vient de parler, un autre drame social. Un mois après la fermeture de Caterpillar à Gosselies, le gouvernement wallon a rencontré ce matin la commissaire européenne de l'emploi, la belge Marianne Thyssen. C'était leur première rencontre pour parler de Caterpillar. Au menu de leur discussion, la reconversion du personnel et des sous-traitants. Comment leur retrouver un nouveau travail? Est-ce que l'usine peut être reprise, au moins en partie, par une autre entreprise? Les politiques doivent répondre à toutes ces questions. Attention, si vous êtes au volant, grosse opération de contrôle de vitesse depuis tôt ce matin et jusque demain. Un marathon de 24 heures sur les autoroutes, les routes régionales et même les plus petites routes locales. La 6e opération du genre chez nous. En tout, 109 zones de police y participent. Et puis un mot de sport, retour aux affaires des Diables Rouges. Ils reprennent l'entraînement cet après-midi. Préparation pour leur match contre la Bosnie et Gibraltar vendredi et lundi prochain. Tous les deux pour les qualifications à la Coupe du Monde 2018. Aujourd'hui, c'est un entraînement public. On attend 2000 personnes à Tubiz. Et on file faire un tour sur les routes avec Jean-Marc Strel et un accident sur le ring. Effectivement, le ring extérieur aux environs de Zaventem, la bande de gauche est neutralisée et des files se sont formés en direction de Grand Bigard. En ce qui concerne le ring intérieur, quelques ralentissements observés entre Grand Bigard et Jette vers Zaventem, mais il n'y a pas d'accident là-bas. Et puis pour terminer, un accident qui nous occupe depuis assez tôt ce matin sur le 19, Bruxelles-Mons, à hauteur d'Avray. Le passage s'effectue uniquement via la bande de gauche et des files se sont formés depuis Ville-sur-Aisne. C'est en direction de Mons. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Midi et 5 minutes, on continue avec Sébastien Nolvo sur Vivacité. C'est la suite dans les pas des pigeons. Merci Simon, bel après-midi. Où est la plus grande foire au vin de Belgique? Chez Cora! Je vois que tout le monde est d'accord avec moi. La foire au vin, c'est chez Cora. Ou sur corawine.be. On n'est pas des pigeons. Sur Vivacité. Au programme de cette deuxième heure, les amis, nous allons parler teinture de cheveux. Qui se fait une coloration autour de la table? Tout est naturel. Non, c'est ça, tout est naturel. Mais on pose pas cette question-là, mais ça va aller. Je ne sais pas, moi. Alexis, qui réalise l'émission. Non, mais il n'a plus de cheveux. Bon, un de nos journalistes, Christine Lénart, pour ne pas la nommer, a testé les colorations à domicile avec des produits de professionnels. On verra ce que ça donne. Avec Annie, on viendra en aide à Vincent, qui a un petit problème avec sa garantie décennale. C'est quoi cette garantie décennale? À votre avis, vous avez été à l'école décennale. Dix ans. Voilà, mais elle couvre quoi, cette garantie de 10 ans? Est-ce qu'elle couvre tout? Ben non. Est-ce qu'elle couvre 10 ans déjà? Déjà 10 ans, mais... On appellera Robert Rémy, comme tous les lundis, qui va tester nos connaissances alimentaires avec un petit quiz. Et on rappelle la page Facebook et la question du jour. Oui, autour des pommes de terre, quelle variété vous appréciez? Comment conservez-vous les pommes de terre? Dites-nous tout. Pour Daniel, par exemple, les meilleures, ce sont les Silena. Mais Daniel n'arrive plus à en trouver dans la région liégeoise et fait appel à l'équipe. Donc voilà, si vous pouvez aider Daniel, ça se passe sur la page Facebook, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à l'adresse pigeon au pluriel @rtbf.be. Envoyez un SMS au 3063, ça coûte 50 centimes. Ou laissez un message sur le répondeur 070 222 660. Côté musique, il y aura Overphonic. Le titre de ce nouveau Overphonic, c'est pas la la la la la la, hein, non, c'est Hiding in a Song. Comme quoi, il y aura Kenji aussi. Ça, c'est plus facile à dire, No me mires más, avec l'accent. Si vous passez à table, bon appétit, qu'il y ait des patates ou autres dans votre assiette. On vous souhaite un excellent... Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais dire là derrière? Ah, on vous laisse, hein, débrouillez-vous. Ouais, depuis que je sais que maintenant qu'il n'y en a pas une qui veut répondre à la question « Est-ce que vous faites une teinture ?», ça veut dire que vous faites toute une teinture. On en reparlera tout à l'heure. À mon existence, j'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans chanteur français Amir sur Vivacité avec J'ai cherché. Vivacité, on n'est pas des pigeons. Tous les lundis, vers midi 10, on accueille Robert Remy. Bonjour Robert. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez envie de tester nos connaissances. Gentiment. Gentiment. Je pose les questions, autour de la table, ils répondent et vous argumentez. On fait comme ça ? Parfait. Allez les filles, et vous, chez vous aussi évidemment que vous pouvez jouer. Et qu'est-ce qu'on gagne ? Rien du tout, rien du tout. Un gros bisou de Robert le jour où il vient en live dans ce studio. Ah, l'enjeu allez. Est de taille, croyez-moi vous allez vous battre. En 2015, combien de produits alimentaires ont été retirés du marché sur décision de l'AFSCA ? 27, 37 ou 47 ? 37. Allez, moi Isabelle. Je dis 47. Robert, la réponse ? 47 Isabelle. Merci. Ah. Et c'est beaucoup ça ? Eh bien oui, ce sont 47 aliments qui ont fait l'objet d'un retrait des rayons en 2015. C'est quasiment un par semaine. Hein. Et les raisons sont très diverses. Hein. Présence de bactéries dangereuses pour notre santé, de moisissures, présence d'additifs comme des colorants, etc. Interdits ou à quantité trop importante. Ou tartorie. Pardon ? Ou une tartorie. Ou une tartorie, par exemple, des allergènes qui ne sont pas annoncés. Et ça fait déjà plus de 10 ans hein, que cette obligation a été imposée aux fabricants, aux distributeurs. Et si vous souhaitez être tenu au courant de ces différents rappels, eh bien, vous pouvez vous rendre sur le site www.afsca.be et dans la rubrique consommateur, vous cliquez sur rappel de produits. Mais comment ça se fait qu'il y en a autant comme ça, un par semaine, ça me paraît beaucoup. Ça veut dire que l'AFSCA a des règles très contraignantes une décision, comme je vous le disais, qui a été prise il y a une dizaine d'années. Un fabricant est tenu, moyennant pénalité et condamnation éventuelle, lorsqu'il constate un problème quelconque mettant en cause la sécurité alimentaire. Hein. Il ne s'agit pas de problème de qualité ou de composition du produit, mais lorsqu'il constate de tels faits, eh bien, il doit en aviser l'AFSCA, qui, en collaboration avec eux, eh bien, décide du rappel de produits. C'est vrai que c'est étonnant. Maintenant, ce ne sont pas toujours des produits qui mettent directement en cause notre santé. Je vous ai cité le cas par exemple, d'allergènes présents dans un aliment et non annoncés sur l'étiquette. Mais il faut savoir effectivement que pour certaines personnes, ça peut poser un problème. On passe à une autre question. Dans votre surgélateur, quelle quantité d'aliments pouvez-vous congeler en une fois par 100 litres de contenant ? Ça veut dire quoi exactement cette question pour la formuler de manière simple ? Donc combien de kilos d'aliments pouvez-vous en une seule fois surgeler dans votre congélateur par 100 litres de contenance ? Donc en fonction de du volume de votre congélateur. D'accord. Voilà, c'est pas le tout petit congélateur non, qu'on a dans son frigo. Non. Bon allez, combien de kilos ? Allez, moi je dis 5. Par 100 litres ? Oh non, plus. Hein. Vas-y. 10. Robert, la réponse ? Bah, c'est entre les deux. On conseille généralement 6 à 7 kilos d'aliments par 100 litres de contenance. Alors, on peut se poser la question, hein, pourquoi pas plus ? Bien, tout simplement parce qu'il est indispensable, c'est d'amener rapidement les aliments à une température à cœur de moins 20 degrés et plus. Et c'est l'occasion aussi de rappeler trois petits conseils. Hein. Tout d'abord, c'est de préférer les petites portions individuelles lorsque on les met au surgélateur. C'est de noter systématiquement la date de congélation sur l'emballage pour ainsi pouvoir traiter intelligemment son stock. Et enfin, ça peut paraître banal, mais en cas de panne électrique, surtout, n'ouvrez jamais le surgélateur. D'accord. Le point va à Isabelle, celle qui se rapprochait le plus de la réponse. Troisième question, combien de fruits doit au minimum renfermer une confiture ? 25%, 35% ou 55% ? Isa ? Moi, je dis 35. Moi, je dis 55. Réponse ? 35. Donc Isabelle. Elle avait les réponses. J'ai pas triché. Non, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Un produit qui s'appelle confiture doit renfermer au minimum 35% de fruits. C'est pas beaucoup, ça, 35%. C'est vraiment pas beaucoup. Il y a une autre dénomination que la loi prévoit, c'est confiture extra. Et dans ce cas, elle doit renfermer au minimum 45% de fruits. Mais comme vous le dites très justement, cela nous met quand même loin des recettes à 50-50 ou même 60% de fruits pour 40% de sucre. Alors, pratiquement, ça signifie qu'en moyenne, eh bien, deux tranches de pain tartinées avec de la confiture vont vous apporter environ 100 calories. Voilà, on termine avec une dernière question. Je rappelle qu'Isabelle, pour l'instant, réalise un sans faute. L'enjeu, c'est le bisou de Robert, mais là, vous êtes parti. Je suis motivée. Hein. Ouais, là, c'est... Alors, si c'est un sans faute total, c'est la nuit avec Robert. Vous faites ce que vous voulez. Je ne sais pas si Robert voilà. est d'accord. Quel est le premier producteur de vin au monde ? La France, les États-Unis ou l'Italie ? Ah ! Ah ! Bah, allez, répondez. J'aurais envie de dire la France, mais Isa ? Ce sera peut-être pas allez, ça. Je suis grande joueuse, les USA. Robert ? C'est aucun des deux. Ah, c'est l'Italie, voilà. C'est l'Italie. Je sens une pointe de déception dans votre voix. Vous auriez aimé qu'Isabelle fasse un sans faute. Moi aussi. Bon, l'Italie, c'est étonnant, ça. Effectivement, c'est l'Italie avec 49 millions d'hectolitres par an. Elle est talonnée par la France hein, avec 47 millions. Et c'est l'Espagne qui monte sur la troisième marche du podium avec 37 millions. Quant aux États-Unis, dont que je proposais également, eh bien, eux, ils arrivent en quatrième position avec 22 millions d'hectolitres. Par contre, la France est le numéro 1 en ce qui concerne la consommation. D'accord. C'est 44 litres par an et par habitant, et elle est suivie de l'Italie avec 37 litres. Alors, vous allez sans doute me demander, et chez nous en Belgique, combien en consomme-t-on ? Et chez nous en Belgique, combien en consomme-t-on ? Actuellement, nous en sommes environ à 25 litres par an et par habitant. Bah, c'est quand même pas mal tout ça. Merci c'est pour ce mal. Petit quiz du lundi, Robert. C'est gai hein, de jouer comme ça. Ah bah oui, surtout quand il y a un enjeu. Quand il y a un enjeu comme quand ça. Quand il y a un enjeu aussi important. Prochain quiz, on remet le même enjeu sur la table. On fait comme ça ? Merci Robert. Allez, il y a Overphonic qui débarque et puis on s'intéresse aux teintures pour cheveux. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go ! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prêt de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Les inratables de Linebacker. Aouh ! On peut rater un clou, mais pas les actions promo chez Linebacker. Embellissez avantageusement votre maison avec 20% de réduction sur plein de rideaux et la confection gratuite. C'est chez Linebacker. Je comprends pourquoi cette Volvo XC60 est le SUV préféré des Belges. Oh, quelle voiture! Un système de navigation intégré hyper clair. Parking sans stress avec l'assistance au stationnement arrière. Et ces 8 haut-parleurs, quel son! Et avec plus de 8000 euros d'avantage, j'ai bien fait de pas hésiter. En ce moment, 8310 euros d'avantage sur la Volvo XC60. Pas étonnant qu'elle soit le SUV préféré des Belges. Rendez-vous vite chez votre distributeur Volvo. Vivacité est là de présente l'Etias Trophy, le tournoi Challenger de Mons, le rendez-vous du tennis de haut niveau depuis 12 ans. Du 1er au 9 octobre, c'est au Lotto Mons Expo que les jeunes talents rencontrent des joueurs du top 100. Alors, pour vous aussi, rendez-vous à Mons du 1er au 9 octobre avec le soutien de la Loterie Nationale, la Région Wallonne et la Ville de Mons. Moi, sur mon pot Nutella, j'écrirais « Je t'adore ». T'es canon ou quelle biche ? Coucou pour tous mes petits loups. Beau gosse pour mon copain. Je mettrais un bisou parce que j'adore les bisous. Vous aussi, dites-le avec Nutella. Rendez-vous vite en magasin pour découvrir tous nos messages. Un budget. Un projet. Visitez notre showroom. Condition 30e anniversaire. Jusqu'à 5000 euros d'avantage. Véranda Confort. Ma solution. Info verandaconfort.be. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Otigny, portes ouvertes ces samedis et dimanches de 14 à 17 heures, dans notre appartement témoin, rue de la Chapelle, à Otigny. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Parce qu'une Jaguar est faite pour être admirée. Jaguar Drogen Boss fait tout pour garder votre voiture en pleine forme. Achetez une Jaguar de stock et recevez 3 ans de garantie et 3 ans de carrouage et d'entretien gratuit. Allez vite chez Jaguar Drogen Boss et choyez votre nouvelle Jaguar grâce à ce triple cadeau. Offre valable également chez Jaguar Brussels à Zaventem et Waterloo. Honey, Sur Vivacité, le titre Hiding the Song. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. Et si nous parlions coloration de cheveux, pourquoi pas? Christine Hénars, bonjour. Bonjour. Vous avez testé pour nous un nouveau concept dans un salon de coiffure, les salons d'Ashkin, qui appellent leur truc le Color Your Corner, c'est ça? Voilà, exactement. Ça consiste en quoi? Alors, Color Your Corner, ça consiste en quoi? C'est en fait une formule qui vous propose un diagnostic couleur dans un salon, donc par une professionnelle, par une coiffeuse, qui va un peu vous guider sur la couleur qui vous convient, etc. Et ensuite vous fournir le kit de coloration professionnelle de la marque, bien sûr, mais à réaliser à domicile. Donc en fait, ça s'adresse aux femmes, aux hommes, pourquoi pas, bien sûr, qui se colorent les cheveux en achetant les colorants en grande surface, en général, font ça dans leur salle de bain, et bien là, ils vous disent, nous, on vous propose vraiment les conseils et les produits professionnels à réaliser chez vous. Alors, ça veut dire qu'on vous fait un diagnostic en quelques minutes pour la somme de 10 euros. Et puis alors, on vous propose un kit de coloration. Ce sont les colorations qu'ils utilisent, eux, en salon, avec les gants et même la cape, vraiment comme chez des pros. Et puis, vous partez avec tout ça, et le tout pour 25 euros, vous rentrez chez vous et vous utilisez ce kit. Alors l'équipe de On n'est pas les pigeons a voulu tester ça parce qu'on s'est dit, tiens, c'est un petit peu particulier comme concept. Voilà, en fait on s'est dit, est-ce que c'est pas encore une façon de capter une clientèle qui de toute façon leur échappe, puisque cette clientèle-là, elle achète de toute façon ses produits colorants en grande surface, donc ça leur échappe, ils vont pas se faire colorer les cheveux en salon, donc pourquoi pas les capter, et peut-être c'est juste, la formule consiste juste en ça, ou est-ce que vraiment ça vaut la peine? Alors on a voulu tester. Alors, on a testé, il fallait comparer avec un autre produit colorant que l'on s'est procuré dans un salon, dans un magasin pour articles de coiffure professionnelle, mais qui est accessible aux particuliers. Quand chacun va s'approvisionner. Et donc, ça donne quoi, Christine? Un produit comparable. Et on a fait tester par une coiffeuse dans une école de coiffure de Liège qui a testé, comparé les deux produits à l'aveugle, complètement. Ouais. Elle ne savait pas ce qu'elle testait. Et ça donne quoi? Et bien, le résultat, c'est finalement qu'elle a préféré le produit vendu par Ashkin. Elle a trouvé que c'est une très bonne formule, que le produit était très bon. Elle a trouvé que les conseils que l'on nous avait donnés lors du diagnostic étaient aussi très bons. Et donc, pour la petite différence de prix, le produit d'Ashkin, le kit d'Ashkin vaut 15 euros, alors qu'en grande surface, vous trouvez déjà des colorants pour 10 euros, mais parfois 12 ou 13. Et bien, finalement, au bout du compte, la petite différence de prix, peut-être qu'elle vaut la peine. Et que pour le coup, là, Ashkin a passé le test, il a réussi le test. On était sceptiques au départ, on a testé, on voit ça en images ce soir à la télé à partir de 18h30. Merci, Christine. Tout le monde en blonde platine ce soir. Ok. Ça. C'est parti, c'est vendu. Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me. Ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'm de tendresse sur Vivacité. En 1994, c'était les Pretenders avec I Stand By You. Les infos arrivent. En octobre, au Bon Repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet, un canapé-lit ou un relax, dans des draps soyeux sous une bonne couette, le tout rangé dans un beau dressing? Profitez maintenant de 18% de remise au Bon Repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Aubonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Parking privé. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. Nouveau, Comia Casa Delicious. Réservez un moment rien que pour vous et savourez la lasagne royale, les raviolis di mare ou les farfalle pancetta formaggio. Comia Casa. Apportez un peu de chaleur. Vivacité présente Acerta Brussels Equidène, le plus grand marathon relais du monde. Samedi 15 octobre au Stade Roi Baudouin. Formez une équipe avec vos collègues ou amis et courez ensemble la distance mythique du marathon. Ou venez encourager les plus de 1600 équipes. Infos et inscriptions sur acertabrusselsequidène.be. Une initiative d'Acerta avec l'ADH et l'A2. Mathilde Thomas, créatrice de Caudalie, nous parle des effets de l'âge. C'est surtout le relâchement, l'ovale du visage se floute, la peau se détend. C'est ce que Resveratrol Lift va combattre. Et comment ça marche ? Nos chercheurs de la faculté de médecine d'Harvard ont découvert que le resveratrol de vigne booste la production naturelle d'acide hyaluronique. On a breveté leur association pour créer Resveratrol Lift, un anti-âge qui repulpe, qui redensifie et raffermit le visage. Rien qu'à vous entendre, je me sens déjà plus belle. Resveratrol Lift de Caudalie, le premier lifting naturel et efficace, en pharmacie et parapharmacie. Profitez avec l'option smartphone de vous du Samsung Galaxy S7 Edge à 199 euros. Vincent, pince-moi, je crois que je rêve. Aïe ! Non, c'est toujours pas mieux là. Renverse-moi ce seau d'eau sur la tête. Oh, c'est voisin ! Alors, prends cette batte là et vas-y, frappe-moi vraiment, vas-y. Ah, c'est que je dois peut-être pas rêver alors. Les smartphones de vous, hier dans vos rêves, aujourd'hui dans votre poche. Avec un des forfaits Vous Mobile, profitez de notre gamme de smartphones à prix de rêve, disponible sur vousmobile.be. Et il est temps de penser à Vous Mobile. Offre soumise à condition. Guten Tag, bonjour. Alors, pour l'Octoberfest, j'ai les new cars. Je vous propose 99 sublimes top modèles. 99 fantastiques Mercedes d'occasion récente en solde, prêtes à défiler pour vous, avec les horaires et sans trébucher. Ya, c'est possible, ya. Colossal solde pour l'Octoberfest. C'est 7, 8 et 9 octobre au Megastore near les new cars de Woluwe et d'Anderlecht. Ouverture le vendredi 7 jusqu'à 22h et le dimanche 9 jusqu'à 17h. Near les new cars. By Mercedes-Benz. Plus d'infos sur nnc.be/solde. Il est 12h30. Les titres de l'info avec Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour, ils ont tout de suite appelé à la grève et en front commun syndical. Les syndicats de la banque ING appellent le personnel à stopper le travail dès aujourd'hui et ils programment une journée de grève vendredi pour privilégier, je cite, un mouvement émotionnel. On leur a annoncé ce matin le licenciement de 3150 personnes, équivalent temps plein, et la disparition de 600 agences, 600 sur 1200 en Belgique. Record Bank, la filiale ING Fusion. Nous voulons préserver l'avenir d'ING Belgique, résume la direction. Elle explique qu'elle doit relever de nombreux défis, notamment le changement de comportement des consommateurs avec l'internet à domicile, les faibles taux d'intérêt, la concurrence difficile également. Cette lourde restructuration, ce sera le titre du journal de 13h. Vous entendrez la direction, les syndicats, les clients aussi, avec le reportage dans une agence, les réactions politiques. Charles Michel rentre du Luxembourg pour rencontrer les syndicats. Et son ministre de l'Emploi, Chris Peeters, a lui discuté ce matin avec le grand patron d'ING. Ce n'est pas acceptable, mais c'est la réalité, vous dira Chris Peeters. Et il évoquera les contacts qui sont prévus dans la journée, notamment avec Fébelfin, la fédération du secteur des banques et de la finance. Voilà pour le titre principal. Notez que nous irons voir aussi comment se déroulent les premiers cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Nouvelle leçon pour les enfants d'école primaire de l'enseignement officiel. Un cours qui peut remplacer le cours de morale ou de religion en partie ou complètement. Et ça s'est très bien passé. Vous entendrez le reportage qui a été tourné ce matin à l'école du Val-Fleury-Duc. Voilà pour les titres. À tout à l'heure, Delphine, 13h. On n'est pas des pigeons. Non mais mires mas, mires mas. Je t'en supplie, laisse-moi t'oublier. Je ne peux pas lui faire ça. Ne joue pas avec le danger. Non mais fait plus d'une semaine qu'il te décrit comme un poème. Il nous parle que de toi, il vit sur un nuage depuis que tu vis dans ses bras. Hey, il a retrouvé le sourire depuis que tu es son avenir. Tu es devenu sa joie, mais tout a changé quand j'ai compris qu'il parlait de toi. Oh. Déjà plus d'une semaine et je n'ai plus trop de tes nouvelles. N'es-tu pas content pour moi? Toi qui es mon ami, je sens que tu t'es loin de moi. Hey, à chaque fois que je suis avec elle, vos regards ne sont plus les mêmes. Je deviens parano. Toi mon ami, m'as-tu planté un couteau dans le dos? L'histoire d'un mec qui se fait la copine de son meilleur ami. Voilà, en musique, avec Kenji et Soprano, c'était Nome Miresmas. Et c'est quoi ton problème? Nous? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier. Il est 12h36, et si on appelait Vincent? C'est une bonne idée ça? Appelons oh oui. Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Sébastien, bonjour à toute l'équipe. Comment bonjour. Ça va Vincent? Mais ça va très bien. Bon, alors votre histoire, si vous êtes là, c'est pas pour nous dire que tu te vois très bien. Si, entre autres. Mais c'est pour nous parler de votre histoire. Vous avez vu placer une porte d'entrée et une baie vitrée. On est en juin 2012. Le tout avec un volet. Okay, vous avez signalé quelques défauts à l'entreprise. Vous aimeriez que cette entreprise vienne réparer tout ça, mais l'entreprise ne veut pas, tout simplement. Oui, en fait, ils m'ont répondu à un mail en disant que les problèmes n'étaient plus sous garantie, dans le sens où moi j'avais parlé d'une garantie décennale, donc je pensais que des travaux d'importance tels que ceux-là, donc changer des portes, une baie vitrée, des châssis, c'était quand même important, et en fin de compte, il me parle que ça fait partie des structures de bâtiment, et que ça n'est pas couvert par cette garantie-là, et donc il m'a tout simplement invité à me dire, voilà, je peux venir, c'est 45 ou 48 euros hors TVA pour la main-d'œuvre, donc travail en régie. Donc effectivement, voilà. On parle de cette garantie décennale sur une maison, on a toujours l'impression que tout est garanti pendant 10 ans, Annie. Mais les problèmes que vous avez pour les volets, les châssis, c'est quoi exactement? Maintenant, ceux que vous avez pour lesquels vous demandez l'intervention de la société? En fait, le volet de la porte a toujours frotté dans le bas. Et donc, j'avais eu, juste après l'installation, quelques petits soucis. Et ceux-là ont été, dont celui-là, mais les petits soucis ont été réglés je vais dire avec insistance, mais ça, ça a été réglé. Donc, quelque part, ben, comme ces soucis-là ont été réglés, je me dis, voilà, je ne vais pas faire la fine bouche. Le volet, ben, il va s'user à la longue et ça va fonctionner, enfin, ça va aller correctement. Que du contraire, en fait, à un moment donné, le volet s'est cassé en deux. Donc, j'ai eu la partie du haut qui s'est enroulée et la partie du bas, ben, quand j'ai ouvert la porte, était devant moi. Donc, bon, j'ai réparé comme j'ai pu. J'ai enlevé la latte cassée, j'ai remis la latte, j'ai fait redescendre le volet. Maintenant, le volet ne descend plus du tout jusqu'en bas. Il reste ouvert, on va dire, 20 cm. Voilà. Et donc, c'est sur ce problème-là que vous voudriez que l'entreprise intervienne. Alors, on parle de garantie décennale. Mm-hmm. C'est vrai, c'est 10 ans. Et les gens croient qu'ils ont comme ça 10 ans sans problème. On va revenir faire des interventions gratuites. Mais c'est pas ça. Alors, quid entre garantie légale 2 ans, garantie commerciale qui est accordée par le fabricant, par le commerçant, et la fameuse garantie décennale, nous on s'y perd un petit peu. Donc on appelle un spécialiste. Nous avons sous la main Eric Lousse, qui est le rédacteur en chef du magazine Je vais construire. Eric, bonjour. Bonjour Sébastien. C'est quoi exactement la garantie décennale? Alors, oubliez déjà l'accouplement de ces deux mots. Garantie décennale, ça n'existe pas. On parle de responsabilité décennale. Mm-hmm. La responsabilité décennale est en fait une responsabilité conjointe d'un architecte et d'un entrepreneur qui couvre un bâtiment pendant 10 ans sur les défauts que ce bâtiment pourrait présenter au niveau de sa stabilité et de son étanchéité. Donc c'est tous les défauts qui peuvent à un moment donné mettre l'immeuble en péril et éventuellement empêcher de l'occuper. C'est le gros œuvre, quoi. En gros, c'est le gros œuvre. C'est en gros le gros œuvre. Et alors je parle que c'est une responsabilité qui couvre un bâtiment et non pas un propriétaire, parce que cette responsabilité est liée à l'immeuble. C'est-à-dire que quelqu'un qui vend une nouvelle construction après 2 ou 3 ans, le nouveau propriétaire bénéficie de cette responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur pour les années restantes. D'accord. Donc, ce n'est pas lié à la personne. Donc, ça, c'est vraiment une chose précise. Donc, très concrètement, ici, le problème de Vincent ne rentre pas dans ce contexte-là. Qu'est-ce que Vincent peut faire dans son cas? Je dirais, malheureusement, il est un peu tard. Donc, ce que l'entrepreneur lui propose de venir intervenir en régie, ou bien il le laisse faire dans ce cadre-là, mais il ne sait pas combien de temps l'entrepreneur va travailler et donc les heures peuvent tourner et le montant peut grimper. Il peut aussi demander à l'entrepreneur de venir examiner le problème et de lui mettre un prix forfaitaire pour intervenir. Donc là, c'est un petit peu à voir en fonction de la confiance que l'on a ou pas dans l'entrepreneur. Ce genre de défaut est malheureusement seulement couvert 2 ans. Tout ce qui est menuiserie aujourd'hui en Belgique est couvert par la certification européenne, le label CE, comme un appareil de télévision ou comme la plupart de ce que l'on achète, des produits que l'on achète aujourd'hui. Cette garantie est une garantie seulement pendant 2 ans. Donc, la garantie légale, quoi, ce qu'on appelle légale. Voilà, quand vous parlez de la garantie ici sur des travaux de menuiserie, on parle bien 2 ans égale garantie légale, comme ça c'est clair. Tout à fait. Alors si un intervenant, comme un menuisier qui vient installer une porte et une fenêtre, propose une garantie allongée, c'est sa propre responsabilité. D'accord. Il s'agit alors d'un geste commercial et non obligatoire. Mais ici, ça ne rentre pas dans la garantie décennale, on l'a compris, c'est la stabilité, l'étanchéité du bâtiment. Donc, donc voilà, Vincent, sur ce coup-là, c'est un petit peu râpé, en gros. Malheureusement, un peu râpé, oui, effectivement. Mais en fait, Vincent, un bon accord avec l'entrepreneur. Oui, Vincent, je vais interrompre. Vous devriez vérifier les documents que vous avez reçus de l'entreprise au moment des travaux. Le devis, la facture qui mentionne très certainement des conditions générales et voir un petit peu ce que vous accordent ces conditions générales. Vous n'avez peut-être pas tout lu, peut-être qu'il y a encore moyen de trouver une solution. Il y a peut-être moyen avec l'entreprise. Un geste commercial, si Vincent a déjà fait part du problème avant, c'est-à-dire en déant la garantie légale de 2 ans. Mais on rappelle ici, c'est important de le faire parce qu'on oublie chaque fois la garantie décennale, stabilité, humidité du bâtiment, donc c'est le gros œuvre, tout ce qui va autour. Et c'est donc la responsabilité décennale. Voilà. Merci Eric Lousse de nous avoir remis l'église au milieu du village sur ce coup-là. Dans quelques instants sur Facebook, on vous lit parce que vous nous parlez de patates. Oui, on vous demande ce que vous aimez comme pommes de terre et vos recettes aussi. On a une magnifique recette de bintje farci au chicon et au lard. Arrête, on en parle dans quelques minutes. Ouais. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Non mais tu l'entends l'autre là? Il fait que rigoler! Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres.

Doggy sur Vivacité avec le titre Soul. Allez. On n'est pas des pigeons. Sur la page Facebook, on vous pose une question, ça concerne les pommes de terre. Oui, on vous demande quelle variété de pommes de terre vous choisissez, comment Hubert, vous nous en avait parlé tout à l'heure, hein, toutes les variétés de pommes de terre, on en reparlera à la télé ce soir. La saison n'est pas top. Non, et justement, comme la saison n'est pas top, les pommes de terre sont d'autant plus précieuses. Comment vous faites pour les conserver? Alors Sophie nous dit justement qu'elle n'arrive pas à les conserver. Je les achète au fur et à mesure. J'adore les grenailles, je les cuis à l'eau, puis je les coupe en deux. Je les fais rissoler à la poêle avec du beurre. J'ajoute du gros sel. Et le top, c'est d'y mettre aussi des gésiers de canard confit. Oh, si c'est bon. Bah, avec des grenailles, ça va faire mal aux dents. Mais non, hein. Ah, c'est des pommes de terre grenaille, pardon, oui, non, soyez précise. Autre réaction. Alors, en parlant de recettes, justement, Pascal nous donne une recette que je vous fais en résumé. Bintje farci au chicon et au lard. En gros, vous cuisez tout, vous mettez tout ensemble, allez voir la recette. Eh bien, je m'attendais à mieux. Parce que ça a l'air très, très bon. Lisette, elle nous dit qu'elle n'a pas beaucoup de place, mais qu'elle sait quand même stocker 30 kilos de pommes de terre. Je prends de la charlotte, je fais tout avec, même les frites. Et pour les conserver, je mets une pomme. J'ai testé l'an dernier et ça fonctionne. Ah bon ? Je vois Annick, vous faites oui de la tête. Oui, parce que c'est pas la première fois. Non, testez ça, non. Mais attendez, pas on la parle première de cuisine et vous vous adressez à Annick, vous savez que très bien. Que j'entends qu'on met une pomme, une vraie pomme avec des pommes de terre. Autre réaction ? Eri, justement, pour conserver, mets ces pommes de terre dans le noir, emballées dans du papier journal. Quant au choix, je préfère les gâtes de Florentville. Joël aime les charlottes, les bintes, les grenailles, mais ça dépend pour quoi faire. Et puis, Christine utilise des Annabelle pour tout, aussi pour la purée et les frites. Evelyne utilise des bintes pour les frites et pour la purée. Et puis Philippe nous dit quoi ? Des dizaines de sortes en Belgique peut-être. Mais dans le monde, il y a plus de 3000 variétés. Le nombre est certain. Maintenant, je dis ça pour pas dire de bêtises, car je pense même que l'on n'est pas loin des 4000. Et pour moi, une patate, c'est une patate. C'est drôle, hein ? Oui, faites gaffe, aussi. Vous, quand pas vous achetez des patates. Moi, ça n'a pas. Non. Non, je ne sais pas. C'est pas la même chose. Mais en tout cas, c'est la preuve qu'il y a de l'idée sur Facebook. Et on va continuer à lire et à poursuivre le débat dans les prochaines heures, évidemment. Lâchez-vous, les amis. Rentrez aussi chez Suzuki. Mais oui. Venez découvrir les nouvelles Baleno et S-Cross. Et puis vous essayerez la nouvelle Vitara. Vous pourrez même repartir avec elle dans votre cartable pour 14 799 euros seulement. Soit 4000 euros davantage. Info suzuki.be. C'est la rentrée aussi chez Suzuki. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Crefell. Les prix cadeaux, le service et la qualité Crefell, c'est... Crefell Bordel. Nos magasins sont ouverts ce dimanche. Crefell. Les meilleurs prix, service compris. Elle est pas belle la vie ? Chez Bricoplanet, c'est samedi 1er et lundi 3 octobre, moins 20% sur un article au choix. Plus d'infos sur planet.be. Bricoplanet, tout pour la maison. Vivacité présente. Pardon monsieur, je cherche la gare. Oh, c'est tout simple. Vous voyez la rue du commerce équitable? Oui. Bon, vous la suivez et après 100 mètres, vous prenez le boulevard du juste salaire. Ah, des justes salaires, oui. Et ensuite, vous tournez à gauche sur l'avenue du respect de l'agriculteur. Ah ben c'est pas si loin ça finalement, merci. Vous en prie. D'ici 2020, faites de la Belgique le pays du commerce équitable. Et pour commencer, participez à la semaine du commerce équitable du 5 au 15 octobre. Semaine du commerce équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. Un city trip à Bruxelles, c'est aller voir l'Atomium. Wow. Sentir l'odeur des caricoles. Rencontrer Mannequin Peace. Hey, ça va, tiche ? Et tout ça au volant de votre tram ou bus. Faites de chaque jour un city trip en devenant chauffeur à la STIB. Rendez-vous vite sur jobs.stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Jusqu'au 31 octobre, achetez une voiture d'occasion BMW Premium Selection et profitez d'une garantie prolongée jusqu'en 2020. Plus d'infos sur bmw.be. Vivacité. C'était déjà en 2011, ce morceau Skinny Love. Il y a un coup de gueule qui arrive juste après ça. En Belgique, on peut être fier. Fier de nos bières. Fier de notre bon chocolat. Fier de nos frites. Andalous ou samouraï ? Mais surtout, fier de notre électricité verte produite en Belgique. Optez pour le 100% belge, 100% vert, avec le tarif fixe Big Green de Luminus. Et découvrez comment, ensemble, nous allons rendre la Belgique fière d'être plus verte sur luminus.be. Luminus, ensemble, faisons la différence. Pas des pigeons. Comme chaque jour, direction le coup de gueule, c'est Marco qui n'est pas content aujourd'hui. Oui, je voudrais signaler une sympathique initiative de Brussels Airlines ce matin concernant les réservations en ligne. J'ai trouvé un billet pour l'Italie à destination de Bologne aller-retour et le prix final indiqué correspondant aux dates qui m'intéressent était de 44 euros. Pas mal. Je me suis dit super, je prends alors. J'ai donc suivi la procédure jusqu'à validation du tarif et du billet et la surprise. Prix final 71,20€. 4, ah oui. Par magie, avec la phrase « Suite à une mise à jour instantanée du système, votre tarif a changé ». Pas cool. Scandaleux, nous écrit Marco, tout en reconnaissant que le prix final après la magie reste très intéressant. C'est un aller-retour, oui, c'est clair. Je trouve la procédure absolument illégale et ils nous prennent vraiment pour des pigeons. Bon, bah, que peut-on dire de ça, Annie? Que peut-on dire? Bah, écoutez, qu'il faut faire très attention qu'à un moment donné, il faut éviter de cliquer. Déjà, c'est sympa qu'il n'ait pas répondu en allemand. Oui. En prenant les devants, puisqu'ils ont été rachetés. Bref, 71,24€, ça reste intéressant. Oui, mais c'est vrai que ce n'est pas le prix annoncé au départ. On est d'accord. Moi, j'ai fait une simulation parce que j'ai reçu une pub. Il y avait des billets à 29€ et au total, c'est 250€. En fonction des dates. Donc méfiez-vous quand vous allez sur Internet de toute manière. Vous pouvez réagir avec la rédaction, si vous voulez, cet après-midi, nous envoyer un petit coup de gueule, un petit coup de cœur, des infos, des bons plans, des astuces, des recettes. N'hésitez pas. Oui, vous le faites par mail à l'adresse pigeon@rtbf.be sur notre page Facebook On n'est pas des pigeons ou via le répondeur 070 222 660. La suite sur Vivacité, c'est Sylvie Honoré qui prend le relais et qui va dire des gros mots pendant 2 heures. Pendant 2 heures, que des gros mots. Ah bah merde. C'est sûr. Franchement. Eh ben justement, vous ne direz plus j'ai marché dans une Crotte de chien. Vous direz, ouh, j'ai mis mon pied sur un étron. Voilà, ça c'est bien ça. C'est un mot que je viens d'apprendre grâce à vous, Nathalie Van Kraaijnest. Bonjour. Bonjour Sylvie. Un étron, c'est... Mais c'est ça? C'est le mot de Cambronne, mais très bien moulé. C'est dur, c'est ça? C'est dur. Bon, c'est ce qui jonche nos trottoirs. D'accord, les étrons. Bon, les gros mots, c'est pas bien, mais pourtant tout le monde en dit. Voilà, tout le monde en dit, mais comme vous êtes coach plus scolaire, vous Nathalie Van Kraaijnest, on va vraiment parler de l'utilité des gros mots pour nos enfants. Parce que vous allez nous dire que si l'enfant dit des gros mots, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est un symptôme. On va essayer de voir ça aussi à travers les âges. Hein, quand ils sont petits, quand ils grandissent. Oui, parce que le gros mot évolue avec l'âge. Signification et évolue avec l'âge. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Et c'est pas parce qu'on grandit qu'on en dit de plus en plus ou qu'on en dit des plus gros. Hein. Parfois, ils sont déjà bien, bien gros. Petit, hein. Oui. Et alors on dit, oh, ça nous choque, nous les parents, on dit, oh, mais je ne t'ai pas élevé comme ça. Et ça pourtant, je l'ai dit dans la voiture. Non mais c'est vrai, ça nous renvoie sur l'éducation. Oh, il a dit des gros mots, tu peux pas. Bon, on va faire deux heures là-dessus. 070 23 33 23, SMS 30 63. Comment vous réagissez, vous, quand votre enfant dit un gros mot? Mais un gros. On en parle juste après le journal de 13h et juste après le point météo de Denis, que voici. Et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. Bonne journée à tous. La tendance aux averses va diminuer cet après-midi, même si elle s'éloigne encore par les frontières de l'Est. Et puis, on reviendra à une alternance de nuages et d'éclaircies. Les températures se situeront entre 13 et 18 degrés pour ce lundi. Le vent reste orienté au secteur Est la nuit prochaine. Demain matin, c'est bien de grisaille. Et puis ensuite, des éclaircies progressives. 13 à 17 ou 18 degrés. Ce seront à peu de choses près les mêmes valeurs. Un petit peu plus fraîche mercredi, paradoxalement lorsqu'il y aura davantage de soleil. La fin de la semaine devrait rester a priori sèche, même si les nuages bas tardent un peu à se dissiper. Bon début d'après-midi à l'écoute de Vivacité, il est 13h. Redoutée et confirmée, ING se lance dans une profonde restructuration. Elle fait mal rien que dans les chiffres. 3150 licenciements en Belgique et la fin de 600 agences bancaires. Pour préserver l'avenir d'ING Belgique, vous dira le patron du groupe. La réponse des syndicats, ils demandent aux travailleurs d'arrêter le travail et préparent une grève. Ce sera vendredi.